got the soaps. Pourquoi tu reviens dans sa vie? Tu ne l'as jamais respectée. Le soir, c'est chez moi qu'elle pleurait. La vérité, je t'ai détestée. Et je te déteste encore. Ne me parle pas de faire des efforts. Sors de sa tête et de ce corps. Ou je vais t'insulter, t'es mort. T'as cru qu'elle avait pas de famille. T'as cru qu'elle avait pas d'amis. Ça y est, on récupère la fille. On te met KO sur le tatami. T'es un pervers narcissique. T'es heureux quand elle est triste. T'es un chien, rien d'atypique. On retient que ta gueule de pique. Oublie son prénom, son existence. Fais ton chemin, prends tes distances. Elle mérite un mec bien, tu te prenais pour son gourou. Je préfère qu'elle soit célib, qu'elle soit avec un gaou. Laisse la go respirer, laisse la go vivre. Laisse la go se tirer, laisse la go libre. Laisse la go exister, laisse la go vivre. De joie, laisse la go vite. Laisse la go respirer, laisse la go vivre. Laisse la go se tirer, laisse la go libre. Laisse la go exister, laisse la go vivre. De joie, laisse la go vivre. Vas-y, assume un peu. Vas-y, avoue tes torts. Vas-y, assume un peu. C'était ton second bord. Et si c'est pas le cas, vas-y, on s'emballe. Vas-y, je deviens vulgaire. J'arrête de m'emballer. C'est juste que c'est ma baisse. Donc ça me touche. Et même si ça te vexe, t'étais louche. T'es hors jeu, t'es sur le banc de touche. Ta merde et tu feras plus mouche. Oublie son prénom, son existence. Fais ton chemin, prends tes distances. Elle mérite un mec bien, tu te prenais pour son gourou. Je préfère qu'elle soit célib, qu'elle soit avec un gaou. Laisse la go respirer, laisse la go vivre. Laisse la go se tirer, laisse la go libre. Laisse la go exister, laisse la go vivre. De joie, laisse la go vite. Laisse la go respirer, laisse la go vivre. Laisse la go se tirer, laisse la go libre. Laisse la go exister, laisse la go vivre. De joie, laisse la go vite. Faut que tu la laisses, faut que tu l'acceptes. Et que son ex, elle sait que t'es sa faiblesse. T'es dans son cœur, mais ça la blesse. Il faut que tu l'acceptes. T'es plus son mec, t'es juste son ex. Elle sait que t'es sa faiblesse. Et ça la blesse. Laisse la go respirer, laisse la go vivre. Laisse la go se tirer, laisse la go libre. Laisse la go exister, laisse la go vivre. De joie, laisse la go vite. Laisse la go respirer, laisse la go vivre. Laisse la go se tirer, laisse la go libre. Laisse la go exister,